Mais ce précepte s'adresse surtout aux magistrats, et à ceux que leur rang ou leur âge élèvent au-dessus des autres. C'est par cette conduite que l'on peut ensuite convertir les hommes au bien. Confucius disait, « Si vous donnez aux hommes l'exemple de ce qui est droit, quel est celui qui osera ne pas vous imiter ?» Ces paroles expriment avec précision la pensée que nous venons de développer. Ayez pitié des orphelins, et montrez de la compassion pour les veuves. Commentaire. Les orphelins et les veuves se trouvent sans parents et sans appui. Ils n'ont personne qu'ils puissent implorer dans leur affliction. C'est sans contredit la classe la plus souffrante et la plus à plaindre. Aussi, c'est à eux surtout que doit s'attacher l'intérêt et la compassion des hommes sages et bienfaisants. Histoire. Sous la dynastie des Song, vivait un homme nommé Qin Liang. Dès son enfance, il accompagnait son maître Song Fu et étudiait sous sa direction. Dans la suite, Yi Liang s'en revint dans sa famille, après avoir obtenu ses degrés littéraires. Song Fu était mort, et sa femme et ses enfants se trouvaient dans la plus grande détresse. Yi Liang leur offrit 100 onces d'argent. Ensuite, il maria la fille de son ancien maître à son propre fils. Un soir, Yi Liang eut un songe. Il vit Song Fu qui lui dit « Vous avez comblé de bienfaits ma femme et mes enfants, mais je n'ai aucun moyen de vous témoigner ma reconnaissance. Tout ce que je puis faire est de prier pour vous dans l'autre monde. » Dans la suite, Yi Liang obtint une magistrature de troisième classe, et ses enfants et petits-enfants réussirent dans les concours littéraires. Ainsi, en ayant pitié des orphelins, et en montrant de la compassion aux veuves, non seulement on accumule de grandes vertus dans ce monde, mais on console encore dans l'autre les âmes de ceux qui sont morts. Respectez les vieillards et chérissez les jeunes enfants. Commentaire. Qing 1 signifie respecter, honorer quelqu'un. Les hommes avancés en âge ont acquis une grande expérience des choses du monde. C'est parce qu'ils ont accumulé des vertus et fait de bonnes œuvres que le ciel leur a accordé une longue vieillesse. Aussi devons-nous les honorer et leur témoigner une profonde estime. Il ne faut pas, parce qu'ils sont vieux, leur manquer d'égard et de respect. Ouai 3, littéralement, porté dans son sein, sinu fauvre, renferme l'idée de caresser, ménager, chérir, protéger. Les enfants en bas âge n'ont ni connaissance, ni discernement. Ils ne savent pas parler, et sont encore trop faibles pour marcher seuls. C'est pourquoi nous devons leur montrer de l'intérêt et de l'affection. Gardons-nous de profiter de leur âge débile pour leur faire du mal et les opprimer. Histoire. Cheu Se, qui vivait sous la dynastie des Yuan, respectait les vieillards comme son père et sa mère. Un jour qu'il traversait le fleuve Qiang, la force du vent et la violence des vagues furent sur le point de submerger le bateau. Mais tout à coup le vent s'apaisa, et il put regagner le rivage. Quand il fut descendu à terre, il vit un vieux pêcheur qui lui dit « La nuit dernière, il y avait, au bord du Qiang, des hommes qui disaient « Demain nous devons couler à fond un bateau, et noyer 20 personnes, mais comme il y a dans ce bateau un homme nommé Cheu Putong, qui, toute sa vie, a respecté les vieillards, nous ne pourrons le submerger. Maintenant que votre bateau a échappé au naufrage, dites-moi s'il s'y trouvait en effet un homme appelé Cheu Putong. » Il demanda les noms des passagers, et il n'y eut que Cheu Se, dont le nom se rapprochait de celui qu'il cherchait. C'est cela même, s'écria un des assistants, qui se chargea d'expliquer cette difficulté. Il manque au caractère C un trait vertical, dont l'absence ne permet pas, pou, de former le caractère tong. Tous les passagers lui témoignèrent leur reconnaissance. C'est ainsi que le ciel récompensa Cheusé de son respect pour les vieillards. Yang Chu, qui était membre de l'Académie des Anlin, avait accumulé de grandes vertus. Il avait coutume de se promener sur un âne, dont le braiement était la terreur des vieillards, qui avaient de petits enfants. Yang, en ayant été informé, vendit son âne et marcha à pied. Un jour, un enfant ayant renversé une table de pierre, qui était placée sur un tombeau, l'homme qui gardait cette sépulture vint en instruire Yang, qui demanda d'abord si l'enfant avait été blessé. Yang fut ravi d'apprendre que l'enfant n'avait éprouvé aucun mal. Il recommanda ensuite au père et à la mère de cet enfant de veiller sur lui avec un soin assidu, et de ne jamais rien faire pour l'effrayer. Voilà un homme qui avait une véritable affection pour les enfants. Ne faites pas de mal, même aux insectes, aux plantes et aux arbres. Commentaire. L'expression Kuanchong 1 comprend tous les insectes qui naissent dans l'humidité ou par l'effet d'une transformation. Quelque petits qu'ils soient, ils sont doués du même souffle de vie que les autres animaux. Quoique les herbes et les plantes soient privées de connaissances, elles ont aussi en elles un principe vital. C'est le ciel et la terre qui donnent à tous ces êtres la vie et la croissance. Si vous les blessez, vous n'imitez point la bonté du ciel et de la terre, qui aiment à donner la vie aux créatures. Or, s'il n'est pas permis de tuer même les êtres les plus petits et les plus faibles, pourra-t-on faire du mal à ceux qui sont plus grands et plus forts? Histoire: lorsqu'Ing Shen restait dans sa maison, en été, il n'arrachait pas l'herbe. En hiver, il ne faisait pas démolir les vieux murs, de peur de tuer les insectes qui s'y trouvent. Dans la suite, il eut un fils nommé Zhu Yu, qui fut un ministre célèbre sous la dynastie des Song. Vous devez compatir au malheur des autres. Commentaire. Le mot yi hein, a le sens de temps, il convient. Ce mot, qui implique un devoir pour tous les hommes, se rattache aux passages qui suivent, jusqu'à donner, et ne vous en repentez pas. Le mot yong, 5, peut s'expliquer de deux manières. Un commentateur prend yong, 5, pour yong, Basile. Numéro 579. Dans la locution Ying Yong, faire des actions cruelles, agir avec cruauté. Tout homme qui agit avec cruauté, qui s'abandonne à la perversité de son cœur, n'a pas pour cela perdu toute la bonté qu'il a reçue en naissant. Tantôt la faim et le froid lui inspirent, malgré lui, l'idée de voler. Tantôt, parce qu'il est entraîné par les mauvais conseils des autres hommes, ou parce qu'il n'a point reçu l'instruction nécessaire, il oublie les rites et les lois, et dans un moment d'aveuglement, il s'abandonne au mal, commet des actions cruelles, et encourt les plus sévères châtiments. Un tel homme n'est-il pas digne de toute notre commisération? Histoire. L'empereur Yu, de la dynastie des Ya, voyant un jour une troupe de criminels que l'on conduisait en prison, descendit de son char et pleura sur leur sort, parce que les crimes qu'ils avaient commis excitaient sa compassion. Un homme de Pianliang, nommé Changqing, remplissait les fonctions de geôlier. Chaque jour, il balayait lui-même la prison, et nettoyait les fers et les entraves des prisonniers. Une invincible nécessité, se disait-il à lui-même, oblige le magistrat de les envelopper dans le filet de la loi. Mais si le gardien de la prison n'a point pitié de ces malheureux, à qui iront-ils exposer leur peine et demander des consolations? Il apportait, dans la préparation des aliments et des potions médicales qui leur étaient destinées, la même propreté et le même soin que si c'eût été pour lui. Si vous êtes véritablement coupable, leur disait-il avec bonté, vous devez vous dénoncer vous-même, et vous garder soigneusement de rejeter vos crimes sur des hommes vertueux. C'est pourquoi on n'avait pas besoin d'appliquer la question, et il était toujours facile au juge de résoudre les cas douteux. Dans la suite, sa femme mourut de maladie à l'âge de 48 ans. Un esprit lui dit : votre mari a accumulé en secret de grandes vertus. Il est juste qu'il en soit récompensé par les succès et la prospérité de ses descendants. Vous pouvez retourner sur la terre. L'année suivante, elle mit au monde un second fils, et elle eut le bonheur de vivre jusqu'à l'âge de 82 ans. Tous ses fils obtinrent de brillants emplois. Commentaire. Un autre commentateur donne au mot Yong, 5, le sens qu'il a dans l'expression Yong Vei, danger. Les uns sont dangereusement malades, et touchent à leur faim, sans avoir personne pour les soigner. Les autres sont en proie à la faim, au froid, à la consomption, ou à une fièvre brûlante, et se trouvent à l'article de la mort. Leur sort doit inspirer une véritable compassion. Histoire. Wu Wang, de la dynastie des Cheou, rafraîchit, avec son éventail, un homme qui était accablé par une chaleur étouffante, et le préserva de la mort. La vue du danger imminent dans lequel cet homme se trouvait, avait ému la pitié de Wu Wang. Xu Qiupi était allé voir, dans un lieu fort éloigné, un de ses amis qui était malade. Il arriva qu'une troupe d'insurgés assiégeait la ville du district où il habitait. Tous les gens de la maison s'enfuirent, et il ne resta plus que son ami malade. Qiupi demeura à ses côtés, et ne put se décider à s'en aller comme les autres. Les insurgés étant entrés, virent Qiupi, et lui dirent. À l'approche du gros de l'armée, tout le district est devenu désert. Comment avez-vous le courage de rester seul ici? J'ai dans cette maison un ami malade, répondit Qiupi, et je n'ai point voulu l'abandonner. Je désire donner ma vie pour la sienne. Les insurgés furent touchés de ce dévouement héroïque. Ils firent retirer leurs troupes et s'en allèrent. Réjouissez-vous des avantages des autres. Commentaire. Le mot chaîne, 4, ce qui est bon, désigne non seulement les bonnes actions des autres hommes, mais en général ce qu'il y a de louable dans leurs talents, leurs stratagèmes de guerre, leurs compositions littéraires, leurs paroles et leurs qualités. Quand nous voyons un homme doué et de bonnes qualités, nous devons nous en réjouir pour lui, le louer en toutes circonstances, et l'appuyer de notre recommandation. Alors, ceux qui sont déjà bons et vertueux s'efforcent de le devenir encore davantage, et ceux qui ne le sont pas s'exhortent mutuellement à pratiquer le bien. Les autres hommes avaient sans doute de la vertu ou des talents, mais nous avons eu le mérite de les avoir fait valoir. Histoire et Chin Kuan était doué d'un caractère doux et modeste. Quand il discourait avec les autres, il tâchait d'imiter tout ce qu'il voyait de bon en eux, et aimait encore davantage à les encourager au bien. Si un jeune homme prononçait une parole, ou faisait une action qui fût digne d'être imitée, il la louait, et cherchait à lui donner de la publicité, se disant en lui-même, « Il l'emporte sur moi. » Dans la suite, Kuan devint ministre. Parmi les sages de l'Antiquité, on cite le grand Shang, qui aidait les autres hommes à faire le bien, et le grand Yu, qui s'inclinait profondément quand il entendait une parole louable. C'étaient là des hommes qui se réjouissaient des avantages des autres. Secouraient les hommes dans leurs besoins. Commentaire. Le mot qui, 4, besoin, s'applique à un grand nombre de circonstances. Si un homme a faim ou froid, il a besoin d'habits et d'aliments. S'il est malade, il a besoin d'un médecin et de médicaments. S'il perd ses parents, il a besoin d'argent pour faire leurs obsèques. Nous devons donner aux hommes nécessiteux l'espèce de secours que réclame leur position. Aucune action ne peut être plus méritoire. Histoire. Li Shekian, qui vivait sous la dynastie des Sui, ayant un jour plusieurs milliers de boisseaux de riz, les prêta aux habitants de son village. L'année ayant été stérile, aucun d'entre eux ne put lui rendre le riz qu'il avait emprunté. Li fit préparer un dîner et invita tous ses débiteurs. Il prit alors tous les billets qu'il lui avait souscrits et les jeta au feu en disant « Votre dette est payée, ne vous en mettez plus en peine. » L'année suivante avant encore été stérile, Li ouvrit ses greniers et secourut tous ceux qui manquaient de riz. Voilà ce qui s'appelle secourir les hommes dans les besoins pressants de la faim. Chang Yanming était habile dans la médecine. Quand un pauvre venait lui demander des médicaments, il n'exigeait jamais d'argent, mais, au contraire, il les lui offrait de lui-même. Quand un homme riche venait lui demander des médicaments, il lui en donnait autant qu'il en voulait, sans s'embarrasser du prix. Si l'on venait le prier d'aller visiter un malade, il partait sur le champ, sans s'occuper de la longueur du chemin. Un homme étant venu réclamer ses soins, pendant une nuit où il neigeait, les personnes de sa maison l'engagèrent à ne pas tant se presser de partir. Le malade est dans son lit, répondit Chang, et il attend que je vienne le sauver. Comment pourrais-je tarder un seul instant? Dans la suite, ses fils et ses petits-fils obtinrent de brillants emplois. Voilà ce qu'on appelle secourir les malades dans les besoins pressants de la maladie. Un homme de Chao Kao, nommé Chao Tsiu, aimait à faire l'aumône. Il y avait un de ses voisins, nommé Li Yuantou, qui venait de perdre sa mère et ne pouvait pas faire ses obsèques. Chao lui donna une paire de bœufs, dont la vente lui procura les moyens d'accomplir ce devoir sacré. Dans la suite, comme il voyageait au milieu de la nuit, il rencontra une vieille femme qui lui offrit un vase rempli d'onces d'argent et lui dit « Je veux vous récompenser d'avoir procuré à mon fils les moyens de faire mes funérailles. Quand vous aurez atteint l'âge de 50 ans, vous obtiendrez des richesses et des honneurs. » Quelque temps après, cette promesse se réalisa. Mitsong Li fabriquait continuellement des cercueils et les donnait aux indigents. Il vécut 80 ans. Après sa mort, il apparut en songe à un de ses domestiques et lui dit « Pendant toute ma vie, j'ai fabriqué des cercueils que je donnais aux indigents et je les secourais dans leur détresse. Par là j'ai accumulé des mérites secrets. J'en serai récompensé dans mes descendants. » Vous pouvez annoncer à Shisetsi que, l'année prochaine, il obtiendra le rang de Kiayuan. L'année suivante Shisetsi, dont le surnom était Qiankuang, obtint en effet le titre de Kiayuan. Depuis ce moment, ses petits-fils obtinrent, sans interruption, de brillants succès dans les concours. Voilà ce qui s'appelle secourir les hommes qui n'ont pas le moyen d'ensevelir leurs parents. Li Ying aimait à faire le bien. Il y avait un homme de Pingyang, nommé Kang Lian, qui venait d'être condamné et dont toute la famille allait être traînée avec lui à la capitale. Sa femme était sur le point d'accoucher, mais personne ne voulait la recevoir dans sa maison, de peur de contracter quelques souillures. Cette malheureuse était couchée sur la paille et pleurait en poussant des cris déchirants. Li l'ayant vue, la fit conduire dans sa maison et dit à sa femme : « Quel est l'homme qui n'est pas exposé au malheur ? Comment pourrait-on emmener cette femme et lui faire supporter les fatigues d'un long voyage? Si elle vient accoucher en route, elle sera exposée aux rigueurs du vent et du froid. Ne doit-on pas craindre de voir périr la mère et l'enfant? J'aime mieux qu'il m'arrive quelque malheur que de les laisser mourir. Quand elle fut accouchée, il ordonna à sa femme de la soigner jusqu'à ce qu'elle fût entièrement rétablie. Voilà ce qui s'appelle secourir dans leurs besoins les hommes qui passent sur la route, c'est-à-dire qui nous sont totalement étrangers. Il y a encore bien des gens de besoin où les hommes peuvent implorer notre assistance. Nous devons leur donner tous les secours que réclame leur position particulière. Sauver les hommes dans le danger. Commentaire. Le mauvais 4 veut dire ici une situation périlleuse, où un homme est entre la vie et la mort. Il est dit, dans le livre intitulé Yukitsitsien, si vous sauvez un homme dont la vie est en danger, le ciel prolongera votre existence de 12 ans. Ce nombre sera doublé, si celui que vous avez sauvé est un homme vertueux. On lit dans les instructions de Yuanti. Toutes les fois qu'un homme est dans le malheur, ou dans une situation désespérée, si vous employez seulement une parole bienveillante pour le sauver, vous faites honneur à vos ancêtres, et vous préparez le bonheur de vos fils et de vos petits-fils. Histoire. Autrefois, le père de Pinky, étant sorti de bonne heure dans le fort de l'hiver, vit un homme qui était étendu dans la neige, et dont le corps était à moitié gelé. Il se dépouilla promptement de ses habits pour l'en couvrir, l'aida à s'en retourner et lui sauva la vie. Comme, jusque-là, il n'avait pu avoir d'enfant, il alla prier dans le temple du dieu qui préside au mont Taishan. La nuit suivante, il vit en songe un esprit qui lui dit « Vous avez sauvé la vie d'un homme, et c'est votre excellent cœur qui vous a inspiré cette belle action. » Pour vous en récompenser, le ciel vous donnera un fils, qui se nommera Anki. Dans la suite, il eut un fils à qui il donna le petit nom de Ki. Ce fils obtint de bonne heure le grade de docteur, et parvint à la dignité de Shangshu, où préside un des six tribunaux suprêmes. Un marchand de Yicheu, nommé Wang Qijin, avait atteint l'âge de 30 ans sans avoir eu d'enfant. Un physionomiste lui dit « Dans 10 mois d'ici il vous arrivera un grand malheur. » Wang, qui savait depuis longtemps que cet homme avait une habileté merveilleuse dans son art, rassembla toutes ses marchandises et se retira promptement à Suzhou. Au milieu de son voyage, il vit une femme se précipiter dans l'eau avec son enfant. Sur le champ, Wang appela des pêcheurs et le promit 20 onces d'argent s'il pouvait les sauver. Les pêcheurs volèrent à leur secours et les tirèrent du milieu des flots. Aussitôt après, Wang leur donna la somme promise. Il demanda ensuite à la femme quel motif l'avait poussé à se jeter dans l'eau. Mon mari est un journalier, lui répondit-elle. Nous avions élevé un porc qu'il est allé vendre hier, mais il ne s'est pas aperçu qu'on l'a payé avec de la fausse monnaie. À son retour, il s'est emporté contre moi et m'a accablé de coups et d'injures. Maintenant nous n'avons plus de quoi subsister. Wang lui donna le double de la somme. Cette femme étant revenue à la maison, elle raconta cette aventure à son mari, qui ne voulut point y ajouter foi. Il alla avec elle trouver Wang, pour s'assurer de la vérité. Ils arrivèrent chez lui à 1 heure où il était déjà couché. La femme, ayant frappé à la porte, lui dit « La femme qui s'était jetée dans l'eau, vient vous remercier. Vous êtes une jeune femme, lui cria Wang d'une voix forte. Et moi j'habite seul dans cette chambre. Les convenances ne me permettent point de vous recevoir au milieu de la nuit. Celle-ci ayant répondu que son mari l'accompagnait, Wang Sabia est sorti pour les voir. Il ne fut pas plus tôt sorti de sa chambre, que le mur s'écroula, et brisa en pièces le lit qu'il venait de quitter. Les deux époux s'en retournèrent remplis de saisissement et d'admiration. À son retour, Wang alla trouver le physionomiste. Celui-ci poussa un cri d'étonnement, et lui dit « Je vois quelque chose d'extraordinaire dans votre figure. Non seulement vous avez échappé à un grand danger, mais vous avez même acquis un bonheur inespéré. Vous ne vous affligerez plus de ne point avoir d'enfant. » Dans la suite, il eut un fils qui obtint le grade de docteur, et parvint à une charge éminente. Sous la dynastie d'Edzing, dans les années Shang-Chi, 2644-1662, il y avait dans la province de Qiangnan, un mahométan nommé Yakiu, qui avait ouvert une boutique où il vendait du riz cuit. Un homme du district de Qiangpuyin prit 50 onces d'argent pour aller au chef-lieu acquitter ses impôts et oublia son argent dans la boutique de Yakiu. Celui-ci courut après le maître de cette somme jusqu'au bord du fleuve Qiang, où il le rejoignit et la lui remit intacte. Dans la suite, cet homme, qui avait recouvré son argent, se trouvant par hasard au bord du fleuve Qiang, il vit un bateau que la violence du vent venait de submerger. « C'est comme si Yakil ne m'avait pas rendu mon argent, » se dit-il en lui-même. « Eh bien, je vais employer une partie de cette somme à faire une bonne action. » Sur le champ, il appela des pêcheurs qui se trouvaient dans leur bateau et leur dit « Je vous donnerai 5 onces d'argent pour chaque homme que vous sauverez. » Les pêcheurs coururent à l'envi au secours des naufragés, mais ils ne purent en sauver qu'un seul. C'était le fils de Yakiu. Un homme de Kaoyu, nommé Chang Peu, étant allé à Ouai, il aperçut dans le lointain un petit bateau qui tantôt flottait à la surface de l'eau, tantôt paraissait s'enfoncer. Il y avait, à la poupe du bateau, un homme qui appelait au secours. Chang tira sur le champ 10 onces d'argent et les promit à des pêcheurs pour prix de sa délivrance. Quand il l'eut ramené devant lui, il reconnut que c'était son propre fils. Sous la dynastie des Ming, dans les années Qingté, 2506 à 1522, il s'éleva, au 7e mois, un vent impétueux qui fit sortir la mer de son lit. Une nuit, les eaux débordées s'élevèrent jusqu'à la hauteur de 20 pieds,